Isaïe, Nathan, Samuel, Jérémie, Élie, Ézéchiel, et vous autres, vous autres, Miché, Joël, serez-vous un jour écoutés? Dans la Bible d'Amos à Daniel, les prophètes, paroles éternelles, parlent aux hommes, la langue du ciel, mais personne ne veut écouter. Durant l'exil à Babylone, le prophète Daniel est devenu un grand personnage à la cour du roi Nabucodonosor, car il a un don exceptionnel pour interpréter les rêves. Sa sagesse l'a conduit à devenir un personnage important dans ce royaume de Perse que l'on appelle l'Irak aujourd'hui. Mais il ne prend pas pour autant la grosse tête et il continue à prier son Dieu et à observer fidèlement la loi et les coutumes religieuses du peuple hébreu. Comme bien des prophètes, cette fidélité et cette piété sans condition vont bientôt lui attirer de sérieux ennuis. Isaïe, Nathan, Samuel, Jérémie, Élie, Ézéchiel, et vous autres, vous autres, Miché, Joël, serez-vous un jour écoutés? Dans la Bible d'Amos à Daniel, les prophètes, paroles éternelles, parlent aux hommes, la langue du ciel, mais personne ne veut écouter. Darius, roi des Mèdes, fut également couronné roi de Babylone. Il imposa à la nation conquise 120 gouverneurs dirigés par 3 ministres. Daniel était l'un de ses ministres. Mais les gouverneurs n'aimaient pas Daniel, car c'était un étranger. Et en plus, ils n'adoraient qu'un seul Dieu, alors qu'eux-mêmes en avaient des milliers. Ils décidèrent de lui tendre un piège. Les gouverneurs se rendirent auprès du roi pour lui proposer de promulguer une nouvelle loi. Une loi qui interdit pendant 30 jours de prier un autre Dieu que le roi lui-même. Et quiconque transgresserait la loi serait jeté impitoyablement dans la fosse aux lions. Isaïe, Nathan, Samuel, Jérémie, Élie, Ézéchiel, et vous autres, vous autres, Miché, Joël, serez-vous un jour écoutés? Dans la Bible d'Amos à Daniel, les prophètes, paroles éternelles, parlent aux hommes, la langue du ciel, mais personne ne veut écouter. Daniel refusa de se plier à cette loi absurde et continua à prier son Dieu. 3 fois par jour, il se mettait à genoux devant sa fenêtre en direction de Jérusalem pour louer le Créateur du ciel et de la terre. Sur l'ordre des gouverneurs, on arrêta Daniel et on le conduisit au palais du roi. Lorsque Darius vit Daniel, il comprit qu'il était tombé dans un piège et que cette loi n'avait servi qu'à condamner Daniel et à le faire exécuter. Même le roi ne pouvait plus rien faire pour sauver la vie de Daniel, car une loi royale est irrévocable. Et l'on jeta Daniel dans la fosse aux lions. Le roi prit alors la parole et dit « Ô Daniel, je ne peux plus rien pour toi. Mais si ton Dieu est aussi fort que tu le dis, il te sauvera de la griffe des lions. » On plaça une énorme pierre sur l'ouverture de la fosse et chacun retourna à sa maison. Dans la nuit, on entendait résonner les rugissements des fauves affamés. À l'aube, le roi courut jusqu'à la fosse et cria « Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré des lions ?» Le silence était insupportable. Mais soudain, de derrière la pierre, on entendit la voix de Daniel. Ne t'inquiète pas, Darius. Mon dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule aux lions. Ils sont tous là, tranquillement couchés à côté de moi. Vite, on enleva la pierre et on remonta Daniel à la surface. Sur son corps, pas la moindre égratignure. Darius, heureux que Daniel soit toujours vivant, demanda qu'à travers tout son royaume, le Dieu unique des Hébreux et de Daniel soit à jamais respecté. Quant aux gouverneurs, ils furent attrapés et jetés à leur tour dans la fosse où les lions les dévorèrent volontiers, du plus gros au plus maigre. À travers les siècles et les chapitres de la Bible, les prophètes sont rejetés, condamnés, assassinés. Pourtant, jamais ils ne cesseront de dénoncer la misère, l'injustice et l'intolérance. Mais comme le dit si bien le poète, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Isaïe, Nathan, Samuel, Jérémie, Élie, Ézéchiel, et vous autres, Michée, Joël, serez-vous un jour écoutés? Dans la Bible d'Amos à Daniel, les prophètes, paroles éternelles, parlent aux hommes, la langue du ciel, mais personne ne veut écouter.